Pensez. Je pense qu'il va pleuvoir. Vouloir. Je voudrais qu'il pleuve. Croire. Je crois qu'il va pleuvoir. Souhaiter. Je souhaite qu'il pleuve. Constater. Je constate qu'il va pleuvoir. Désirer. Je désire qu'il pleuve. Supposer. Je suppose qu'il va pleuvoir. Détester. Je déteste qu'il pleuve. Avoir envie. J'ai envie qu'il pleuve. Attendre. J'attends qu'il pleuve.